Mayday, mayday. Si je fais du mal, venez m'aider. J'ai fait du sale, je vais m'en laver. Je reviens plus fort pour m'en aller. Mayday, mayday. Si je fais du mal, venez m'aider. J'ai fait du sale, je vais m'en laver. Je reviens plus fort pour m'en aller. Mayday, mayday. Dans le caisson, je suis dur en affaire. Quand j'avais du bif, j'en ai béflant. On consomme le truc quand y'a rien d'autre à faire. J'ai jamais mis le frein dans la descente. On met la pression juste avec acte de présence. J'ai l'équipe derrière, c'est mon essence. Y'a plus tard avec toi, tu vas prendre balle dans les jambes. Je le fais juste pour écrire ma légende. J'ai passé des nuits aérées, mais à présent, je prends plus par les pins, je mets plus les gants. Genève, c'est pour nous, on vient mettre claque dans les dents. Mayday, mayday. Si je fais du mal, venez m'aider. J'ai fait du sale, je vais m'en laver. Je reviens plus fort pour m'en aller. Mayday, mayday. Si je fais du mal, venez m'aider. J'ai fait du sale, je vais m'en laver. Je reviens plus fort pour m'en aller. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, mayday, mayday. Y'aurait personne, j'étais rien. Quand j'aurais tout, y'aura qui. Quand tu viens me voir, tu me parles de rien. J'donne que la puissance à la mine. Si t'as des trucs à dire, yeux dans les yeux. Je vis jamais trop haut, comme ça j'aurais mieux. Ma daronne, une reine dans les veines du bleu. Du mal à gérer si je dois changer de lieu. J'aime pas trop les keufs, encore moins les bleus. Plus 21, puis je suis pas paresseux. Je vous lance un défi qui va me connaître mieux. Ça me lançait des piches, calcule pas haineux. Toujours embrouillé par le daron, personne pour combler les carences. Je suis forgé, je suis prêt pour la guerre. Au milieu de l'action, comme en 40. J'écoute pas les donneurs de leçons. Entre bien et mal, mon cœur balance. J'oublie jamais mes moments marquants, encore moins ceux avec qui j'avance. Mayday, mayday. Si je fais du mal, venez m'aider. J'ai fait du sale, je vais m'en laver. Je reviens plus fort pour m'en aller. Mayday, mayday. Si je fais du mal, venez m'aider. J'ai fait du sale, je vais m'en laver. Je reviens plus fort pour m'en aller. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, mayday, mayday. Thank you.